بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullahu ta'ala. 16e leçon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa man ittabahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Fa inshallah bi fadlillah nukmil hadhihi al-manzumat al-yawm. Aujourd'hui on va achever cette muraja'a de l'Hayya avec le 31e, 32e et 33e vers. Ce sont les derniers. Naam. Faqala al-munazzimu rahimahullah ta'ala. ودع عنك آراء رجالي وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح ودع عنك آراء رجالي وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث. Donc ça ce sont le 31e et 32e vers. Donc le premier, wada min wada'a yada'u. Awalen, ce vers, le 31e, il est venu pour mettre en garde contre le fait de prendre les avis des hommes qui s'opposent au texte authentique. En fait, là c'est un, la mas'ala c'est le taqlid, le suivi aveugle, d'accord, des hommes au détriment des textes. Le fait de suivre les gens lorsqu'ils disent, les savants de leurs shihadat ou sirsanat, et de délaisser les preuves. Comme par exemple le font les fanatiques des mazahib. Mafalan. Qu'ils se disent, je suis un madhab, donc je me tiens à ça. Comme un train sur des rails. Et ça, c'est pas vrai. Car Allah a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas les imams pour eux-mêmes. Les imams, on profite d'eux, de leur science. D'accord ? Et notre but, ce n'est pas de le suivre eux pour leur personne. Notre but, c'est s'il y a une chose de la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou d'Allah sallallahu n'a pas compris, il te l'éclaire. Mais la vraie lanterne, c'est la sunnah. C'est le kitab et la sunnah. Ce n'est pas eux en soi. D'accord ? Il n'y a aucun verset qui sont descendus pour dire suivez tel et un tel et un tel et un tel. D'ailleurs, c'est de demander aux gens du rappel, vous ne savez pas. Les gens du rappel, c'est vague. C'est les ulama. Et elle est zikri. Yasi'un in kuntum la ta'lamun. Si vous ne savez pas. D'accord ? C'est pas dans l'absolu. Il faut que tu saches une chose. Il faut de l'illah, tu as eu une science. Ne demande pas son sujet. Il n'y a pas d'utilité. Elle est zikri. Comme on l'a dit, comme il avait rapporté Ibn Hazm. C'est « el-zikri » et « el-dalil ». Tu leur demandes le « dalil ». Par exemple, si tu fais une chose, tu te dis « est-ce que ça c'est wajib sur moi ?» Il va dire « nam ». Pourquoi ? Que ce soit la science. C'est pas on te mène, te dis « fais, fais pas ». C'est pas l'armée la religion. Ce côté-là, la science, quand il faut que ce soit sur la lumière ce que tu fais. « Ittabi'u ma unzila alaykum min rabbikum » ou la tatabia min douni awliya qalilan ma tadhakkarun. Sinon on va suivre, chacun suivre quelqu'un, on va finir comme les juifs et les chrétiens qui ont suivi leurs prêtres et leurs rabbins. D'ailleurs en islam on ne sanctifie pas les gens. Les gens sont élevés pour leur science, quand même pour leur science ils sont élevés. Cela ne veut pas dire que tu veux le suivre en lui. Si jamais tu t'opposais à lui, tu as commis un péché. Si jamais tu t'opposes au dalil, par exemple, un savant t'a démontré une mas'ala clairement et tu ne suis pas dessus, ce qui t'a démontré comme preuve, tu as commis un péché. Maintenant, un savant t'a dit une parole, tu ne suis pas le savant lui-même, si tu n'as pas de preuve, tu n'as pas de péché. Par contre, demain, tu as une preuve que tu connais et un savant qui donne une autre parole supposant cette preuve, tu suis le savant, tu as commis un péché là. Et ça, c'est la qui ? Ça, c'est dans les cas des Al-Jaliya. Wina ujnaba ana ala ummatin wina lahu. Donc on s'est trouvé nos pères sur nos religions, donc nous les suivons. Et ça, c'est parmi les Aramat, parmi les signes de la Jahiliya, Marcel de Jahiliya, l'époque pré-islamique, que les gens suivaient ce qu'on était leur père, aveuglément. L'islam est venu pour éclairer. Donc là, ces vers viennent pour mettre en garde contre le suivi aveugle des hommes. Qui qu'il soit. D'accord ? Qui qu'il soit. Le seul dont l'argument est un... comme a dit l'imam Malik, « Kullun yurad yugbal kawluhu illa sahib hadal kabr » Il dit tous, la parole est à prendre en rejeté, hormis la pitoyable de cette tombe. Il indiquait la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même les aïmmas, les grands imams de l'islam, n'ont jamais dit aux gens de les suivre, aveuglément. La salle de Mazahib, Mahmoud n'a jamais dit je vais faire un Mazahib, suivez-le. Jamais il a fait ça. C'est les gens d'eux-mêmes qui l'ont fait. L'imam Shafi'i, rahmallahu ta'ala, n'a jamais dit je suis un Mazahib Shafi'i, suivez-moi. Jamais. Il n'a pas dit sois Shafi'i, sois comme moi. Jamais ils ont appelé à ça. Hein? L'imam Malik Kazalik, il n'a jamais dit sois Maliki. Est-ce qu'Ibn Abbas il a fait lui-même? On a un madhab d'Ibn Abbas? On a un madhab d'Abu Bakr? On a un madhab d'Omar? On a un madhab d'Ibn Mas'ud? On a un madhab d'Abi Huraira qui était l'Ahfaz des Sahaba? On a des madhabs de ces gens-là qui eux ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour le madhab de quelqu'un qui est venu après eux, moins savant qu'eux. Non, ces gens-là nous éclairent sur les choses et nous. Mais il y a des choses. On prend avec la preuve. Mais s'apparenter à une personne et suivre ce sur quoi il est lui, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit suivre. C'est tout. Et ces gens-là sont des wasita. Vous voyez, des wasita, tu as dû peut-être te prendre dans le mot de l'islam, sont de deux sortes. Shad'iyya ou shirkiyya. Ou le wasila ou le wasita. Le fait de mettre un intermédiaire. D'accord ? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous wasita entre toi et Allah. Yani mashrou'a, légiféré. Et entre toi, Allah et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a notre wasita. Qui est-elle? Elle ulama. Mais par leur science. Pas par leur personne. La ifrat ou la tafrit. Sans faire trop, ni être laxiste. Leur rendre leur droit, revenir à eux. Mais pourquoi on vient à eux? C'est quoi leur particularité à ces gens-là? Ils ont de la science. Donc ils vont t'éclairer. Tu comprends? Et cette science-là qu'ils ont qu'Allah leur accordé, c'est Allah et toi, que tu peux l'avoir toi aussi. D'accord? Tu peux l'avoir toi aussi. Donc, ne pas se mettre en optique, je suis sur un madhab, je m'y tiens comme un train sur des rails, je n'en sors pas. Non. Le haq peut être avec tel imam et tel imam. Toi, tu suis le dalil. Et tu, on prend en compte leurs paroles, bien entendu. Ça t'aide de comprendre leur istilahat, leur terminologie qu'ils ont émise pour comprendre comment ils sont arrivés à leur déduction. M'a affiché. D'accord? Maintenant, te rentrer dans une école, un madhab mouayen, t'as fermé dedans, ça non. Parce que l'islam n'a pas appelé à cela. T'as pas un verset, ni un hadith, ni même un athar de sahabi qui t'appelle à ça. Il t'appelle, si t'appelles à suivre les ulama, c'est les ulama dans leur ensemble. Pas un. Pas deux, mais le ulama de la sunna. Et de le suivre pour la source qu'ils ont. Tayyib. Donc nous disions Wada' anka ara'a rijali wa qawlahum. Da' c'est le fil amr de wada'a, qui veut dire taraka. Délaisse. Je dis da' anka, délaisse cela. Enfin, ce serait délaisse de toi, mais ça ne se dit pas en français. Donc on va se contenter de dire délaisse cela. Ara Rijel. Ara, c'est le djem de Rey, qui est un avis. Ara Rijel wa Qawlahum, qui est le fait de délaisser ses avis, les paroles des hommes. Wa l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, disait quoi? Alayka bil athar, wa in farakaka an-nas. Wa iyaka aqwal Rijel, wa in zahrafaka an-nas. Wa zahrafaka an-nas. Yani, toi, suis les athars, c'est-à-dire le athar. Aujourd'hui, le athar est plus employé pour les paroles des sahaba ou des salafs. Mais à la base, le athar, c'est aussi le hadith. Pas même? Al-Athar, c'est le genre du hadith. Mais aujourd'hui, c'est plus ça a été distingué comme étant les paroles des sahaba ou des salaf. Et en vrai, les salaf mutlaqan, à la base, c'est les sahaba. D'accord ? C'est les sahaba. Et ensuite, les portes ont été ouvertes pour y rentrer des gens d'après eux. Et même, toute personne qui est morte sur la sunna, c'est un salaf pour toi. Mais quand on dit salaf mutlaqan, comme ça, à la base, ce qu'il visait, c'est les sahaba. Naam. Donc il dit, l'imam al-Awza'i, rahmallahu ta'ala, toi, accroche-toi au athar, c'est-à-dire au hadith, quand est-ce que, même si les gens venaient à te délaisser, à séparer de toi, et prends garde aux paroles des gens, c'est-à-dire leur ijtihadat d'eux-mêmes, même si les gens te les embellissent. D'accord ? Même si les gens te les embellissent. Tayyib. Voilà, il a dit Erijel, wa qawlahum Erijel, à la babu taghrib. Mais c'est aussi le Nisa. C'est tout le monde. D'accord ? C'est tout le monde. Wa qawlahum, c'est leur parole. Et quand ils disent Ara et qawlahum, c'est tout ce qui n'est pas bâti sur un dalil. Tout ce qui n'est pas bâti sur un dalil. Ah non, ce qui est bâti sur un dalil arrive même d'un juif, tu acceptes. Ce qui est bâti sur un dalil, même d'un juif, tu acceptes le haq de qui que soit qui vienne avec. فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ أَسْكَاهُ وَأَشْرَحُ car la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la sunna authentique, car ce n'est pas toute parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est vraie. Ça c'est après que les savants justement aient recherché dans les chaînes de narration et les jugé comme étant authentiques ou pas. Certains hadiths sont unanimement reconnus comme authentiques et d'autres non. Il y a des divergences. Après c'est quand la personne elle apprend la science du moustalah, elle arrive elle-même à pouvoir gérer. Et quand tu ne connais pas, là il n'y a pas de mal à ce moment-là que tu prennes l'avis du savant en qui tu as le plus confiance. Quand tu ne sais pas, tu n'es pas apte à juger. Tu as de narration, tu lui dis par exemple, Cheikh Intel voit que le hadith est sahih et Cheikh Intel te dit qu'il est da'if. Comment tu fais à ce moment-là? Là, dans ce moment-là, tu as le droit, tu n'es pas en mesure de chercher toi, de prendre l'avis du savant en qui, pour qui ton cœur est plus apaisé, parce que Allah t'ouvre les portes à pouvoir comprendre. Et dans ce genre de situation, on devrait pousser le musulman à apprendre. Car il n'aime pas se sentir comme si on le traînait avec une laisse. Ah, il peut pas. T'as un acte à faire. T'as un acte qui te dit que c'est authentique, tu te dis non, c'est d'arif. Comment tu fais? Si jamais tu délaisses, c'est comme si tu dis c'est d'arif. Tu as délaissé une sunna. Non, il y a des Marseillais, il n'y a pas de tawakouf. Les Marseillais, par exemple, tu as des trucs. Si tu fais de tawakouf, c'est-à-dire que tu te délaisses. Il y en a qui te disent ça c'est wajib, l'autre te dit non, c'est haram. Et l'autre te dit non, c'est pas wajib. Non, parce que si tu n'as pas de. Si tu ne sais pas choisir toi-même. Mm-hmm. Plutôt que de faire quelque chose que tu n'es pas sûr. Non, justement, dans ce moment-là, tu as le droit de le faire, parce que tu n'es pas en mesure de savoir. Là, c'est pas que tu avais khalaf, t'as pas khalaf, tu le sais pas. Donc toi, t'as fait quoi? Mon savant-là, mon cœur penche plus pour son avis, donc Inch'Allah, je choisis son avis. Mais tu fais les efforts pour comprendre de ton côté. Tu vois? Sinon, si jamais tu délaisses tout, eh ben, tu vas laisser beaucoup de sunnah, comme ça. À la fin, ben, au final, les sunnah vont te délaisser. Toi, tu prends un avis, d'accord? Et tu cherches, derrière. Mais demain, c'est pas comme tu as pris l'avis d'un tel et un autre frère a pris l'autre avis, tu fais la guerre. Parce qu'à la base, tu ne sais pas, en fait. Ça se trouve, l'autre frère a raison. L'autre chier a raison. Toi, tu n'as pas eu les moyens de savoir. On va dire, moi j'ai pris combien les gens de Mazahib ils font? Moi je suis Maliki, donc ce que le dit même Mme Hanbali, je prends pas. Dans ce sens, c'est même Ahmed qui a raison sur la masala. Comment tu fais? Donc justement, ces histoires-là t'amènent à diviser. T'as plein de masala dans le fait qu'il y a beaucoup de divergences. Et des fois, toi tu n'as pas forcément le niveau de pouvoir distinguer la vie vraie qui n'est pas. Donc maintenant, il y en a qui disent quoi? Ils disent, des fois, quand t'as un sujet par exemple sur une chose qui va t'amener peut-être à un péché ou quoi, là, à ce moment-là, tu prends l'avis le plus rassurant, le plus prudent. Quand même. Mais t'as pris un avis quand même. T'as pas dit, je prends ni ça, ni ça. Ça n'existe pas, ça. T'as une masala, elle est posée, elle existe. Je prends ni ça, ni ça. Tu vas abandonner la religion en faisant ça. Tu choisis un avis, celui pour lequel ton cœur se rassure, et tu fais les recherches, et si demain tu vois que l'autre colle, celui qui était vrai, tu le prends, tu reviens. Et si tu avais eu raison à l'intérieur fort que tu as bien choisi, alhamdoulilah, mais après tu seras sur la science de ton choix. Tu comprends? Tayyib. Ah bah maintenant, demain, tu as une mas'ala devant toi, elle est claire, tu as les preuves. D'accord? Et un observant n'est pas d'accord, mais toi tu sais que c'est le coup, il est vrai, tu as le moyen de pouvoir chercher, tu as vu que ça c'est le coup qui est réel. Là, tu prends ce coup là, c'est obligé pour toi. Dis pas, il y a une divergence, j'ai choisi. Non, tu dis, moi je sais, je suis sûr que c'est ça, le hack il est là. Pourquoi? Telle et telle et telle et telle, telle chose. À ce moment-là, toi tu fais avec la science que tu as. D'accord? Tu fais avec la science que tu as. Ah, mais maintenant, Marcel, peut-être des fois c'est moustahab ou une chose qui est moubah. Moi, tu peux dire, je fais rien, Mathalan. Mais quand c'est un truc qui fait ramener un sujet, c'est une chose qui est. Par exemple, voilà. Mettre un khilaf, une divergence qui existe, mettre la main sur la poitrine lors de la salat ou le délaisser. Il y en a qui ont des preuves, d'autres qui ont des preuves. Toi, tu n'es convaincu. Tu dis, moi, je mets la main sur la tête. Tu seras obligé de faire l'un des deux. Tu seras obligé de choisir l'un des deux. Il n'y a pas de troisième call. C'est ou sur la poitrine ou les mains, elles sont ballantes. Comment tu vas faire ce moment-là? T'as work off, je ne prends pas. Tu vas mettre tout dans les poches, tu n'as pas le droit. Derrière le dos, tu n'as pas le droit. Et tu ne vas pas faire une salade comme ça, sur la poitrine, une salade, le ballon. Tu n'as pas le droit non plus. Tu es obligé de prendre l'un des calls. Et à ce moment-là, tu fais quoi? Tu fais celui qui te sent le plus rassurant. Quand tu vois, chire un tel. D'accord? C'est pas une masala qui amène à une divergence, à une division, qui touche au usul, qui touche à toi. Donc là, à ce moment-là, même on dit qu'un autre frère n'est pas d'accord avec toi, il n'a pas de blâmer à faire la guerre pour ça. Il y a des masaïl dedans, il y a sourf et le khilaf. Il y a des masaïl dans lesquels le khilaf il est accepté, parce que c'est une chose, le dalil, il est interprétable de plusieurs façons. C'est des fois quand tu as une masala, le dalil est clair, mais après des gens interprètent le dalil autre que ce qu'ils ne méritent, là non. Par exemple, une masala dans laquelle pour nous il n'y a pas de khilaf, c'est le taswir. De faire des images. Tout ce qui est de filmer et tout ce qui est de photographier. Il y en a qui vont dire khilaf. On dit non, il n'y a pas de khilaf. Un khilaf que des savants, non, on ne sont pas d'accord avec ça. Mais les dalils sont clairs que c'est interdit. Donc là, c'est un khilaf sur lequel on peut te blâmer. On peut te blâmer pour ce que tu vas faire là. Tu dis le Nabi Salam, il a dit Soura, c'est quoi une soura? On a expliqué c'est quoi une soura. Comment tu veux, tu dis après demain, tu mets une photo de quelqu'un dans ta maison. C'est pas une soura ça? Il y a si mais, il n'y a pas de mais. C'est une soura, c'est terminé. Et Nabi Salam l'a bien dit dans le hadith de Jibril, dans le hadith où Jibril est venu, tu coupes la tête. La statue qu'il y avait. Donc on t'a expliqué comment faire. Pourquoi après ça on continue encore à dire oui mais cher Intel il l'a dit. Il y a un hadith clair de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Plein de affaires de sahaba. Là tu n'as pas le droit. Là c'est du taqlid haram que tu vas faire. Tu vas prendre l'avis d'un savant qui a fait un ijtihad, il n'a pas vu juste, mais toi là, tu as des hadiths qui te disent clairement que tu n'as pas le droit de le faire. Tu vas te dire, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui va te dire, oui mais shiratel, ah, tu condamnes shiratel sur le colo de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, tu n'as pas le droit à ça. Ça, c'est exactement ça là. Tu vois le verre, c'est exactement ça. Donc là, il y a khilaf, on dit non, c'est pas un khilaf qui est mortabal celui-là. Non. C'est pas tout khilaf qui est accepté. Il y a des khilaf, des fois, tu amènes à l'erreur. Donc faire attention à la bête, il y a divergence et divergence. C'est pas toute divergence qui accepte que la vie opposée soit acceptée ou respectée. Non. Des fois on peut te blâmer, des fois on peut te battre d'art, des fois on peut te cafard, on peut te rendre innovateur, des fois on peut te rendre mécréant. Là où on rendra par exemple innovateur, c'est quelqu'un qui a pris un avis sur un sujet de fiqh, la falaine, où soit la divergence est autorisée, ou soit il a tort et il se met à s'allier. Il a se désavoué pour son avis. Il a pris un avis, je te fais la guerre. Et alors qu'il n'a pas raison. Ou alors c'est un sujet sur lequel il peut avoir divergence acceptée. Par exemple, là, si tu peux faire badda pour un sujet de fiqh, tu as fait une alliance à désavoué pour ton avis. Alors qu'il n'y a pas lieu de le faire à ce moment-là. Et bien pour ça, tu peux faire badda. Par exemple, demain, quelqu'un il vient, il met ses mains sur la poitrine. Il fait la guerre à tous ceux qui mettent leur main sur le valente. Il leur fait la guerre. Il leur fait la misère. Il les met en garde contre eux, il les critique et tout. Et bien lui, il va se faire badda pour ça. Un innovateur. La base du sujet, c'est pas un sujet à tabdir. Mais lui, comment il se comporte? Il a bâti son annonce, son désaveu sur une chose sur laquelle il est permis de diverger. Tu comprends? Donc là, il n'appelle plus au haq, il appelle à son avis à lui. Tu comprends? Donc là, pour ça, tu peux te faire rendre innovateur. Même si dans le reste des sujets, tu as raison, et tu t'allies, tu te désavoues pour ce sujet-là, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et tu fais la guerre aux autres. Tu peux te faire rendre innovateur pour ça. Le tabdia, c'est pas que dans la akhidak, ça se fait. Les gens n'ont pas compris ça. Pour une fois, toi, tu peux te rendre innovateur. Par exemple, comment tu te comportes par rapport à la fatwa. Ton comportement par rapport à la fatwa, par rapport à tes opposants, peut te sortir de Ménage Salafi. Pour l'alliance et les deux aveux que tu aurais par rapport à ta fatwa, à toi. C'est que ce n'est pas dans ton avis. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et des fois, faux. Ça laisse des avoués pour des fatwas. Non, des fois, c'est wajib. Tu n'as pas droit d'accepter une fatwa qui est fausse, complètement fausse. D'accord? Tu démontres à personne qu'elle est fausse, tu dis, ouais, mais il l'a dit. Tu dis, la fatwa, elle est fausse. Il continue, si. Là, c'est du inad. Et bien, lui, il peut s'en sortir la salafia pour ça aussi. Parce que là, il suit un tel et non pas Mohammed. Il suit sa passion. Ça peut même aller jusqu'à quoi? Plus loin, ça peut aller au kouf. Il va avoir une halal parce qu'Allah a du haram et il le sait. Tu vois, ça peut aller loin. Mais bon. Donc, il dit quoi? Faqul Rasulillahi Aska wa Ashrahu. Aska. C'est, pour dire, plus pur et plus sincère. Ninazaka, tatib mana tathir, le fait de purifier. Quand aflahaman tazakka, cette réussite, c'est lui qui a purifié, c'est-à-dire son âme. Ou ashrahu, ashrahu fil sadr, est plus apaisant pour la poitrine. La parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus apaisante et rassurante que les paroles des hommes. Donc demain, tu vas voir des gens en train de parler sur le Mas'ala, plein de paroles, des avis, et quelqu'un vient avec un hadith clair, authentique. Tu dis, c'est bon, j'ai fini, je prends le hadith. Mon père est rassuré. Chirinté, il a dit, oui, mais là, j'ai un hadith, yahri. J'ai un hadith, je ne veux pas plus que ça. Et on parle d'un hadith qui est clair, bien entendu, parce que des fois, tu as des hadiths qui demandent explication. Ce n'est pas comme ils apparaissent. D'accord? Ce n'est pas comme ils apparaissent, forcément. Mais une explication basée sur des preuves, ou des paroles de sahaba. Qui t'explique le hadith. Taïeb. Après, il a dit وَلَا تَكُوا مِنْكُوا مِنْ تَلَهَوُوا بِدِينِهِمْ. Donc, لَا تَكُوا, ne sois pas مِنْكُوا مِنْ, de gens تَلَهَوُوا مِنْ تَلَهَ, c'est le fait de suivre les passions. تَلَهَوُوا بِدِينِهِمْ, qui ont suivi leurs passions dans leur religion. Les viski, les gens de la bid'a. El ahwa, el bida. Fatat'ana fi el hadith wa taqdahu. Donc le fait de suivre les passions, c'est dangereux. Comme a dit Ta'ala, Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fa'akum bina nas bil haq, wa la tattabia la hawa, fa yudillaka an sabilillah. Inna alladhina yudilluna an sabilillah, lahum azabun shadid, bima nasaw yawm al hisab. Comme Allah Ta'ala, dans le sens, ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre. Alors juge entre les gens par la vérité, ne suis pas les passions, car cela t'égarderait ou t'égarerait du sentier d'Allah. Et certes, ceux qui sont égarés du sentier d'Allah auront un châtiment dur parce qu'ils ont oublié le jour des comptes. Donc regarde le suivi de passion, ce que ça t'emmène. Ce qu'on disait tout à l'heure, suivi de passion t'emmène à quoi? À avoir un châtiment. Donc t'es blâmable, suivi de passion. Suivi de passion, c'est on te donne une preuve. Toi, tu ne veux pas la preuve, tu veux ce qu'il y a dans ta tête. Est-ce que tu as en tête ça que tu veux? Est-ce que toi tu aimes ça que tu veux? Là, non. Et quand bien même, on dit qu'il se peut que demain tu as un khilaf avec quelqu'un et que tu aies raison en apparence. Non, mais il y a un khilaf demain sur une mas'ala. Toi, tu viens avec un call, tu as une parole. Il y a ça avant. Tu dis, mais Chiratel dit telle chose, telle chose, telle chose. Tu dis, ouais, mais non. Chiratel dit ça. Et toi, la chose ne t'a pas été vraiment rendue claire. Mais le Chiratel, on va dire que c'est les points qu'il a cités, toi, un peu convaincu. L'autre, il n'a même pas regardé. Ni rien du tout. Juste comme Chiratel, il suit ses Chiratel. Et pour de vrai, Chiratel avait raison. C'est-à-dire que lui. Voilà, son choix était vrai en apparence, mais sa façon de faire elle était mauvaise. D'accord ? Donc lui, même s'il a atteint la vérité en apparence, il aura eu tort, parce qu'il a fait quoi ? Par ses passions, pas par science. Et lui, il est blâmable. Tu sais quoi les preuves ? Cheikh Anta, il l'a dit. Et pourtant, Cheikh Anta a raison pour de vrai. Mais lui, il n'a même pas regardé c'est quoi les causes. C'est juste comme c'est Cheikh Anta qui l'a dit, c'est bon, c'est comme ça. Comme les Asal de Mazahib. Même Malik l'a dit, c'est bon. Je ne cherche pas à savoir. Peut-être pour de vrai, Malik, il a raison sur le sujet. Mais lui, comme c'est Malik qui a dit, alors je prends. C'est tout. Et les Mazahib, ceux qui s'y enferment, fanatiquement, ça amène à cela. Division. Peut-être même, il était rapporté qu'à l'époque, dans le Masjid al-Haram, il faisait pas salat d'ayah. Genre, un Maliki, il faisait pas salat d'ayah à Hanbali. Il mariait pas non plus à Hanafi, mais toi, t'es Hanafi, je ne marie pas avec ma fille. Toi, t'es un Maliki, je ne fais pas salat d'ayah toi. Il y avait différents jama'a. T'imagines un peu le Mustawa? Et aujourd'hui, des gens te disent que c'est Mazahib, ça amène au fitna dans la Oumma. On dit, bah, regarde ce que ça a fait au début. Le taklid des Mazahib. Regarde ce que ça a amené. Et des savants, certes, ont évolué sur des Mazahib, des grands savants, mais non, ils n'ont pas été sectaires. Eux, là où ils étaient, il n'y avait que ça, par exemple, dans un endroit. Autour d'eux, c'est ça le Mazahib qui était propagé. Donc ils ont acheminé dessus. Mais ça n'empêche pas de regarder à droite ou à gauche. C'est quoi la vie le plus prépondérant? Par exemple, l'imam Ibn Taymiyyah, à la base, il a évolué sur le Mazahib Hanbali. Mais est-ce que c'est dit Hanbali, lui? Non, il prenait là où il était. Mais les bases qu'il a eues, c'était Mazhab Hanbali, par exemple. Est-ce qu'il a choisi, ou est-ce que c'est ça qui était proposé autour de lui, là où il vivait? Alors, Alam, ça, je connais pas le tahadir. Mais là, c'est ça. Dans un lieu où ils étaient, c'était ça le Mazhab qu'il y avait autour d'eux. Donc, ils sont pris là-dessus. Et après, arrivé un moment, ils ont cherché. Mais les bases qu'ils ont eues, ils ont acquises comme ça. Mais il n'est pas fermé à ça. Je veux dire, moi, on m'enseignait avec ce Mazhab-là. Sans que j'ai choisi ou quoi. Tous mes profs étaient comme ça. Tous les savants autour de moi étaient comme ça. Mais après, en grandissant, j'ai apprécié qu'il y avait d'autres trucs, d'autres avis, j'ai suivi Kaza, Kaza, Kaza. Mais à la base, il va dire, moi, j'ai étudié comme ça. Mais est-ce qu'il dit, moi, je suis Hanbali, il y a un autre? Non. Il va pas dire, je suis Hanbali. Tu comprends? Taïeb. Ensuite, donc il dit, Fatat'ana fi alil hadith wa taqdahu. Tat'ana, on dit quoi, c'est Tat'ana? À la base, c'est. Oh, allez, comme ça. C'est critiqué. Peut poignarder, diffamer. Fi ahl al-hadith, al-hadith c'est qui? C'est ahl al-sunnah, les gens de la sunnah. Ahl al-athar, c'est les mêmes, les salafis. Wa taqdahu. Pareil, c'est dans le sens de diffamer. Ça veut dire que là, ne suis pas tes passions, que cela va t'emmener à quoi? À diffamer les gens de la sunnah. Comme c'est le cas de tout jeune de la bid'a. Celui qui suit ses passions sera confronté, sera contraint de diffamer les gens de la sunna. Les gens de la vérité. On va aller comme ça. Et ça, ça a été dit pour beaucoup de savants. Al-waqi'a fi al-sunna min abraz alamat al-bid'a. Que le fait de diffamer les gens de la sunna, c'est parmi les plus grands signes de la bid'a. Demain, tu vois quelqu'un qui diffame les gens de la sunna pour leur sunna. Lui, tu dis, toi déjà là, c'est bon. Il passe le savant de la sunna injustement. Parce que demain, le savant de la sunna peut avoir une erreur. Tu critiques l'erreur. C'est pas dans l'absolu, dès qu'il parle sur un savant, tu dis, pourquoi tu dis ça? Par exemple, pourquoi tu dis cette chose-là? Il se peut que le savant vraiment a fait une erreur. On a dit, lui là, le Foulen, je l'aime pas. Alors que c'est un savant de la sunna reconnu. Et il ment sur lui. Lui, ça c'est l'Ahmad el-Bida. Mais si demain, quelqu'un te dit, Cheikh Antel, par exemple, il a des erreurs. Tu dis quelles erreurs par exemple? Et là tu verras ce qu'il va te dire. D'accord? Par exemple, demain, quelqu'un va t'arriver, tu vas parler avec quelqu'un, il va dire, mais une baise là, celui-là, là. Non. Tu dis pourquoi, qu'est-ce qu'il a, jamais une baise? Il a des erreurs. Comme quoi par exemple? Il va dire ça mourgi. Il va dire il défend ta route, ça mourgi. Khalas, t'as pas attaqué des directs. Là, cette erreur-là, elle n'existe pas, j'ai jamais une baise. C'est pas un mourgi, Abadan. Par exemple. Par l'erreur qu'il va te donner, tu vas savoir où ils vont venir. Si Cheikh Abel Mes, c'est un mourji pour toi, c'est toi qui t'as takfiri, c'est toi. T'es un khalaji, c'est ça que ça veut dire. Pas même? Mais au début, il ne sait pas, qu'est-ce qu'il va dire? Il va sortir une erreur pour de vrai. Dans tel massa, il s'est trompé, tu dis, c'est vrai, il s'est trompé. Sans Allah, il a fait un mot. Khalas, c'est tout. Pas la peine de parler mal sur lui, de le critiquer durement. C'est un imam de la Salafia. Comme tous les savants, ils ont fait des erreurs. Mais lui, c'est pas une erreur qui est sortie de la Salafia, ni qui a bien ce que les gens le critiquent durement. Bien que des fois, ça avance ça, la fille, ça sera critiqué durement pour une erreur. Ça blâme durement pour une erreur. Ça dépend de l'erreur qu'il a fait. Ça dépend de l'erreur qu'il a fait. En tout cas, de façon générale, critiquer dans la sunna injustement, ou tu donnes des noms comme ça, tu dis par exemple, tu dis Ahmed, la Rajoulsou, elle n'a même pas discuté. Moutaïmiya, Moudjassim. Genre, c'est un. Il faut ressembler à Allah, à sa créature. Khala, c'est un affaire à. Ou un Jahmi, ou un Ash'ari, ou Mourdazili. Tout de suite. Il y en a là aujourd'hui qui s'appelle Ahmed ibn Islam. Ou Islam. Islam ibn Ahmed, afwan. En France, actuellement. Lui, t'as même pas douté de son innovation, celui-là. Tout ce qui est El Sunna, Salafi, il est critique. Il les insulte. Cheikh Albani, il n'est pas honnête. Tu vois ? Ce genre de choses. Lui, t'as même pas à douter une seconde de qui il est. T'as affaire à un innovateur purement. D'accord ? Surtout quelqu'un qui dit j'étais Salafi, je fais Tawba la Salafia. Tawba du Haq, bah. T'es dans ton cœur, tu dois avoir une maladie. Allah alam. Donc, déjà comme ça, t'as même pas à douter. Lui, on m'a parlé de lui, on m'a dit, il passe au Cheikh Albani. Dans le hadith, je disais, bon, je vois pas plus. Dans la sens du hadith, le critique. Le critique dans ce qui était dans son domaine, il ne veut même pas en savoir plus. Pas besoin de savoir plus. Quelqu'un te dit par exemple, Cheikh Othaymine, c'est pas une affaire qu'il ne comprend pas. Pas besoin de savoir plus. Cheikh Mokbil, Moutachaddid, pas en savoir plus. Même pour un seul, hein. Pour un seul savant. T'en prends un seul, tu le critiques, tu dis j'aime un tel, mais lui je l'aime pas. Tu dis non, non, non. Taïeb. Donc parmi les, on a dit, les salafs, ils disaient, ils testaient les gens par les imams. Tu dis quoi sur un tel ? Ils disaient, man yat'un fi fulen, fat tahimu ala l'islam. Tu vois par exemple, un tel qui parle sur un tel, comme l'imam Ahmed, comme les grands imams de la sunna connue pour l'époque, alors accuse-le ou doute de son islam. Même pas de sa sunna, de son islam même. Et l'imtihan fait partie de la religion, on peut tester les gens. Les salafs le faisaient. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait aussi. Avec elle, Jariya, in Allah. Il s'appelle Man Ana Rasulullah. Ertakaha Faina Mu'mina. Il a testé. Qu'est-ce qu'elle dit? Laisse-la car c'est une croyante. Elle a dit qu'Allah est dans les cieux, sous les cieux, que je suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une croyante. Elle leur a mal répondu, elle leur a pas réagi pareil. Donc le fait de tester les gens quand il faut, c'est pas tout le temps. Quand tu testes tout le monde comme dans la rue. Au moment où il y en a besoin. D'accord? Au moment où il y en a besoin, tu testes la personne, savoir qui t'as affaire, tu m'as affiché. Partie de la sunna. Sinon, tout le monde va dire ce qu'il veut. Naam. Donc nous disions, ne suis pas les gens de la passion, car cela t'amènera à diffamer les gens de la sunna. Et ça, c'est parmi les plus grandes alamat, il y en habitera. Le fait de se moquer d'eux, de les dénigrer, de les rabaisser, de dire les savants qui ne connaissent pas l'actualité, l'afkoun al-waqi'a, mathalan, ça fait ce qui se passe autour d'eux. Ulam al-haïd, comme ils les appellent, les ulam des monstrues. Les monstrues, ils sont super forts, le reste, ils connaissent rien. Là, les gens qui ne pas comme ça, c'est qu'ils font le khouj au tronquième en général. Ils ne connaissent pas la politique. Vous voyez, ils ne connaissent pas la situation du pays, ils ne connaissent pas. Ils disent, non, vas-y. Toi, tu ne connais pas la sunna, je veux dire direct. Quelqu'un qui parle comme ça, soit c'est un jahil, il ne sait pas, il faut l'expliquer. Soit c'est un sahib hawa, direct. Sahib hawa. Taïeb. Et le fait de fréquenter les gens de la sunna, les gens de la bida, attention, c'est contagieux. Très contagieux. Très, très contagieux. Comme c'est le cas, par exemple, de Imran ibn Hattan, qui s'est marié avec une femme qui était Khalidia, sa cousine. Il voulait la ramener. Et bien, c'est elle qui l'a fait tomber. Abdurrazzaq, Sanaani, et le Tachayyu, à cause de quoi? J'ai oublié l'homme de qui l'a pris. C'est contaminé par Tachayyu. Plein de gens, plein de ulama, des imams. Le fait qu'ils aient fréquenté des gens peu recommandables. Alors que dire de nous? Un imam sont fait. Les imams sont fait avoir. Que dire de gens comme nous? Tu vois? La tu jalisu al hawa fa inna mujalasatahum mumrida. Man qala hada ibn Mas'ud. Ne t'en sors pas que les gens de la passion car leur fréquentation rend les cœurs malades. Cela disait quoi? Un sahib, le khanazil ou le karada, ahwan lak de sahib sakal bid'ah. Que tu fréquentes les porcs et les singes est moins grave pour toi de fréquenter les gens de l'innovation. Ou même que tu fréquentes les alcooliques, même les drogués, les fornicateurs est moins grave parce que cela c'est des péchés. Il se peut qu'ils reviennent. Mais l'innovateur dans ton cœur il rentre. D'accord? Naam. ثم قال إذا ما اعتقدت الدهر يصوحي هذه فأنت لا خير تبيت وتصبح إذا ما اعتقدت الدهر يصوحي هذه فأنت لا خير تبيت وتصبح. Donc le dernier vers. Donc إذا لا سي ظرف زمان pour ce qui touche au futur avec un sens de charte, de condition. Traduire par si. En arabe, on peut dire si de plein de façons. Ma la zaïda. Iza ma zaïda. Quand ma avait un derrière, iza, elle est zaïda, toujours. Comme quand elle est, ya taliban khuz faïda, bard izma zaïda. Vous voyez? Ya taliban khuz faïda, bard iza. Ma zaïda. Donc c'est une ma, elle est ajoutée. Zaïda. I'artakotta. I'artakoda, c'est le fait de croire. Qui vient de agd ou de aqida. Qui veut dire lié. À la base, l'agd, ça peut être un nœud. Ugda, c'est un nœud. Un agd, ça peut être un contrat, un pacte. Chose qui te lie. Ou l'aqida, ma ta'alak bihi el kalb. Ce à quoi le cœur s'est accroché. Et l'aqida, c'est un mot qui n'était pas connu vraiment chez les premiers. C'est un mot qui était, on va dire, déduit. Mais les premiers ne disaient pas aqida, ils disaient peut-être sunna. Par exemple, quand un livre s'appelait sunna, c'était un livre qui touchait à l'aqida. Je crois que l'un des premiers à avoir nommé un livre aqida, c'est Sabouni. Aqidat al-Salaf. Il me semble que c'est l'un des premiers, si je ne me trompe pas. Al-Dahar, là c'est Muddat Hayatik, le temps de ta vie. Allez, ton temps de vie. Ya Sahi, à la base c'est Ya Sahib. Bab al-Talkhim. Al-Talkhim, c'est quand tu enlèves les dernières lettres d'un mot d'une personne, comme pour donner un surnom affectueux. Comme Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disait par exemple Aïch pour Aïcha. Il y a des kshurut pour que ça arrive. Donc quand tu as le nada, il y a des conditions qui sont stipulées. C'est pas tout nom. Sauf que tu peux le faire, il y a des conditions. La sahi, à la base, c'est la ya sahib. Sahib, sahi hada, ou hadihi. La saïsme ishara hadi qui revient à quoi? Ishara, il est kulli ma mazam de mundhuma. C'est-à-dire que c'est une ishara, une indication de tout ce qui était précédé dans la poésie, depuis le début. La croyance. Si jamais tu as ça comme croyance, d'accord? Toute ta vie, alors, fa anta la khay. Tabitu wa tusbihu. Alors tu es sur le bien, bata yubitu, yabitu, c'est le fait de dormir ou passer la nuit plutôt. Passer la nuit. Et tusbihu, c'est le matin. C'est-à-dire en fait, tu es à longueur de journée, à longueur de temps, sur le bien. Si jamais tu as comme croyance ce qui est cité dans cette poésie, tu es sur le bien. Tu es un sunni salafi. Yani l'aqida est plus, encore plus large. Lui, il est venu avec une chose zobda, essentielle. D'accord? Essentielle. Mais dire si cette croyance, tu l'as dans ton cœur, tout ce qu'il a cité, tu es sur un bien énorme. Tu verras dans certaines versions de cette poésie des vers ajoutés. Des vers sont en plus, mais apparemment ces vers ont été infiltrés par autre que l'auteur. Car quand tu les lis bien, tu vois que le wazn et le usloub n'est pas le même. Tu sens que c'est une personne différente qui a écrit. Ce n'est pas fluide comme les autres vers cités par lui-même. Il y a une différence. Donc les gens ont déduit que ces vers ajoutés ne sont pas de lui. Quand même. Donc, alhamdulillah, on a fini cette mandouma, cette muraja'a. On a sallallah, on a jalana fi'a la lissamu muslimin. On a kul subhanaka, allumma wa bihamdik, la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك